Wish City, quelques heures plus tard, mon appartement dans le quartier sud. Mila était sûre et certaine d'avoir trouvé le moyen de sauver Wish City de l'invasion des rats. L'idée était relativement simple, pousser les rats jusqu'à l'est et plus particulièrement dans LA galerie est, celle où se trouvait le grand trou, et boucher les tunnels. Pour les enfermer à jamais, les empêcher de raser notre grande cité en somme. C'était simple, oui. Si on omettait le nombre de rats comparé au nôtre, ils étaient des milliers, nous étions trois. Il est pas super agréable votre canapé, hein? Vous voulez un coussin? C'est le seul canapé que j'ai pu payer. Non mais elle se fout de ma gueule, hein? Je l'invite chez moi, je lui sers de la bière de roche et elle se plaint du confort. Ben, parlons de ta bière de roche. Oh, on n'est pas là pour s'engueuler mais pour réfléchir sur le plan là, hein? Et toi, je te déconseille, toute princesse que t'es, de critiquer la bière de roche. C'est super bon, même si ça fait roter. C'est d'accord? D'accord. Squeak! D'accord, Bouze. D'accord. On était assis autour de ma table basse, devant le plan des galeries. Maintenant, on regarde où et comment on emmène les rats où on veut. Puis où et comment on bouche les galeries. À trois, ça va pas être facile. Le plus simple, ce serait de prendre par ici. Puis ici, dans la galerie sud. Puis dans le tunnel 33B et ensuite... Et ensuite, vous arrivez par l'est. C'est là où Wish City est la plus accessible pour votre armée. Je comprends rien. Je peux le manger, Radis? Je peux le manger? Ta gueule! Bien. Bien, très bien, petite fouine. Rosencraft, Rosencraft, seigneur Radis. Je t'appelle comme je veux, fais pas chier ou je te croque. D'accord, d'accord. Nous serons bientôt prêts, Manfred. Oui, seigneur! Et là, je veux pas dire, mais ça va chier les bulles. De la bière de roche. Qui veut de la bière de roche? Bouze, sérieusement? Tu penses que c'est une bonne idée de se bourrer la gueule alors qu'on est en train de réfléchir à un plan de défense contre l'attaque des rats? C'est bizarre, quand tu présentes la chose comme ça, j'ai vraiment envie de rire. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. Et puis faut pas t'inquiéter, Mila. Nous, les creuseurs, on a l'habitude de boire. Le seul truc qu'on a jamais fait, c'est prendre un chariot bourré. On risque de dérailler trop facilement et ça fait mal. Bouze est revenu dans le salon, une bière à la main, et s'est assis sur un gros coussin à côté de la télé et de la table basse. Il a bu une gorgée, lui et moi contre des milliers de rats. Ouais, avais-je réellement le choix de toute façon? Bon, Bouze, on a dit que tu serais là-bas. Quoi? Pardon? Non, on n'a rien dit, Mila, c'est toi qui viens de décider. Oui, bah on fait comme j'ai dit. Apparemment, je suis la seule à pouvoir réfléchir correctement ici. J'ai vraiment du mal à voir comment on peut se débrouiller. Dites-moi juste ce que vous pouvez boucher comme galerie en un maximum d'une demi-heure. Parce qu'une fois que les rats lanceront leur attaque, on n'aura que ça comme temps pour les amener à l'est de la ville. Faudra les faire contourner Wish City. Ils viennent de l'ouest. D'ici, plus précisément. J'ai posé un doigt sur la carte, à l'endroit même où se trouvaient les gouffres. Ces grandes failles menant au centre de la terre. Ces grandes failles d'où jaillissait le feu. Bah, si on se prépare bien, on peut boucher 5 à 6 tunnels. D'accord. Mila prit un crayon sur la table basse et dessina un chemin traversant les galeries. C'est ici qu'il faut les faire passer. On est trois. Et oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Quoi? Tu nous as apporté la carte. C'est d'accord. On prévient pas ton père, on prévient pas l'armée, on fait un truc dans le dos de tout le monde parce que si quelqu'un venait à apprendre notre plan, il nous empêcherait d'abîmer leur joli tunnel. Mais même si on est vraiment ridicule à trois, on sera que deux en première ligne, Bouze et moi. C'est pas que j'en ai vraiment envie, remarque. Mais de quel droit tu décides? Tu vis dans un palais, Mila. Il y a encore 2 mois, tu n'avais jamais vu un chantier de creuseur sauf à la télé. Et puis c'est trop dangereux. On sera jamais assez de trois. Je me suis levé. C'est trop dangereux et on discute pas. Pendant les 2 semaines à venir, Bouze et moi, on s'occupe de construire votre piège à la con. Juste nous deux. Ensuite, on fait des appâts, juste nous deux. On connaît les galeries mieux que toi. On sait par où aller, on saura improviser si jamais il y a un problème. Et puis, il y a un truc que t'as oublié. Quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Vas-y, Squeak, dis-le, toi qui es si fort. J'ai regardé tour à tour Bouze et Mila. Puis je me suis retourné vers la verrière de mon appartement. Wish City s'éveillait. Le centre de contrôle augmentait la lumière dans la ville entière. Les rames de métro aérien se firent plus nombreuses. Regarde le plan. Pour emmener les rats à la galerie Est, il faut que l'un de nous reste à la galerie Est. Hein? Pardon, c'est la bière. J'avais pas pensé à ça. L'un de nous devra rester dans la galerie Est. Rester pris au piège au même titre que les rats. Et sa seule sortie sera le grand trou. Mais là, c'est un exil sans retour possible. L'un de nous devra se sacrifier. Et tous les trois, nous savions qui allait rester dans la galerie Est. La même personne qui voulait quitter Wish City. La même personne qui voulait découvrir le nouveau monde. Moi. Bah, il faut...